sera une autre défaite des Patriotes. Et là, on va brûler Saint-Eustache, on va brûler le village de Saint-Benoît. Et là, ce sera un peu la terreur qui va se répandre.